Amis humains, bonjour. Dans la série « Histoire de la robotique », Giraffe, le robot européen qui prend soin des personnes âgées. Une équipe scientifique financée par l'Union européenne a conçu Giraffe, un système d'aide à la personne qui comprend un robot personnel, destiné à prendre soin des personnes âgées chez elles. Combinant robotique et domotique, le système devrait être commercialisé d'ici la fin 2015. Il est testé pour le moment dans 6 foyers européens. Il y a même une mamie italienne qui tient un bloc sur son girafe qu'elle a rebaptisé Monsieur Robin. Giraffe fait partie d'un projet plus large, englobant un dispositif connecté pour aider les personnes âgées à mener une vie plus indépendante et avec moins de risques. Ce projet financé par la communauté européenne à hauteur de 3 millions d'euros s'appelle Giraffe Plus. Il n'est pas à confondre avec cet autre projet de robot de téléprésence européen. Il consiste en un réseau de capteurs placés à divers endroits de la maison afin de surveiller l'état de santé des personnes âgées et leurs activités. Ce réseau intelligent peut détecter des visages, mesurer des données comme la pression artérielle, la température corporelle ou le poids, ou permettre d'interagir par la voix avec une personne à distance. Toutes les données collectées par le système sont ensuite envoyées et traitées par une unité centrale pour suivre l'activité du patient, son état de santé et même son bien-être. Par exemple, il sera capable de comprendre si la personne est fatiguée et lui conseiller d'aller se reposer. Le système intelligent est capable de déclencher des alertes ou des rappels à son utilisateur ou bien à la famille ou aux aides-soignants. Le dispositif Giraffe Plus est complété par un robot mobile sur roue mesurant la taille d'un humain. Le Giraffe est connecté à l'internet et peut être contrôlé à distance. Un système intégré de visioconférence permet à la personne âgée de bénéficier de la téléprésence chez elle. C'est l'assurance pour son utilisateur de rester en contact avec sa famille ou son médecin. Inversement, la famille sait qu'elle peut se connecter au Giraffe et l'utiliser pour vérifier que la personne âgée se porte bien. Pour le médecin, c'est un bon moyen de faire une consultation sans besoin de se déplacer chez la personne, simplement en prenant le contrôle du robot. Giraffe se déplace dans n'importe quelle direction, même à l'envers, à l'aide de roues propulsées par des moteurs situés sous sa base. Il se base sur des capteurs Kinect pour détecter les obstacles, murs, tapis, personnes. Le système Giraffe Plus sera commercialisé sur la base d'un forfait initial et d'un abonnement mensuel. Ses concepteurs estiment que le service pourra concurrencer les services de soins à temps plein traditionnels, qui sont de plus en plus coûteux. Avec Giraffe Plus, l'UE souhaite étudier de quelle manière les robots et d'autres dispositifs peuvent aider les personnes âgées à mener une vie plus indépendante et avec moins de risques. Selon les estimations, le marché des robots et des dispositifs d'assistance aux personnes âgées devrait représenter 13 milliards d'euros dans l'UE d'ici à 2016. Une mamie italienne de 94 ans utilise Giraffe. Les gens se demandent pourquoi je n'habite pas chez ma fille, mais elle a aussi des petits-enfants et beaucoup de nouvelles responsabilités. Avec ce précieux assistant, que j'appelle Robin, je suis moins inquiète pour l'avenir, et mes enfants et petits-enfants sont rassurés, explique Léa Minarli, 94 ans, ou Nonna Léa, comme on dit en Italie. Elle utilise le système Giraffe Plus depuis 5 mois et parle volontiers de M. Robin sur son blog, en italien. Cette mamie fait partie des 6 personnes âgées qui ont été choisies pour tester le dispositif Giraffe Plus chez elle. Parmi elles, 2 habitent en Espagne, 2 en Suède et 2 en Italie. Giraffe Plus sera présent dans 15 foyers d'ici à la fin de 2014, on peut lire dans le communiqué publié hier par l'UE. Le consortium Giraffe Plus associe des partenaires publics et privés d'Italie, du Portugal, de Slovénie, d'Espagne, de Suède et du Royaume-Uni. Site officiel du projet Giraffe Plus, article de www.humanoid.fr. À bientôt. Grosse bise numérique.